Avec la haine et l'hostilité contre l'impérialisme américain, ennemi juré, qui veut déclencher la guerre nucléaire en lançant les propos absurdes de la destruction entière de notre République digne de son nom, les travailleurs agricoles de tout le pays se sont engagés dans la défense de la patrie et de la révolution. Après la publication de la déclaration du camarade Kim Jong-un, président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, plus d'un million de permanents et membres de l'Union des travailleurs agricoles ont, en une semaine seulement, demandé à s'enrôler et de réintégrer dans l'armée populaire. Le nombre des volontaires augmente sans cesse.